Maman dit moi si pas menefle, tu m'as fait faut pas ou prie en ça. Faut even demander papa ou mère, si even dit moi qui l'intention why. Mon chamier les mains si ka belle fle, et c'est pour l'en ou la ka fait ça. Et colibri pas ka même gade, mon chamier les y ka bre potion why. On veut pas yon tibo, des tibo, toi tibo non please. Mettre vous au niveau, bien plus haut, nous peut pas complice. Parole ou si vous, belle timo. J'ai tout essayé, ne m'a pas laissé faire. Abandonné dans les bras de Lucifer. J'ai tout donné, elle m'a jeté en enfer. Déboussolé, je ne peux la satisfaire. Maman dis-moi si pas mes nefflets. Dis ma fille faut pas ou prier en ça. Faut even demander papa ou mère. Si even dis-moi qui l'intention why. Mon chamier les mains si ka belle flet. Et c'est pour l'en ou la ka fait ça. Et colibri pas ka même gade. Mon chamier les y ka bre potion why. Pas sans besoin toucher, toucher. Papa ou besoin chouem, chouem. Ou ça va plein douce, douce. Ou ça vient que vie en moi c'est où. En ça vous veut toucher, toucher. Papa besoin chouel, chouel. Ou te gade douce, douce. En pe vive toute vie en moi sans où. Maman dis-moi si pas mes nefflets. Dis ma fille faut pas ou prie en ça. Faut even demander papa ou mère. Si even dis-moi qui l'intention why. Mon chamier les mains si ka belle flet. Et c'est pour l'en ou la ka fait ça. Les colibri pas ka même gade. Mon chamier les y ka bre potion why.